se sluví. Ano, jsem mi souvědivý. Ano, to nic je se zkusí. To mě nežu se zvítí. Celui d'aujourd'hui, la peur de tes goûts et l'ennui sont le rythme de tes insomnies. Tu entends, tu touches et tu vois ta vie se former devant toi. Ton but que le bonheur soit à toi, mais le malheur trop souvent est là. T'es une bête à l'instinct animal, tu vis à fond quitte à te faire mal. Tes proches t'offrent un soutien, tes lunes. Sois fier d'être un homme. Un homme se bat pour sa survie. Un homme, ça peut donner la vie.